الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 28 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha, Cheikh Ubayd al-Jabiri, حفظه الله تعالى. Et on est arrivé donc au passage dans le livre de Al-Usul al-Thalatha, où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit: قال المصنف رحمه الله ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans Al-Usul al-Thalatha, on est toujours dans le deuxième fondement dans le livre de Al-Usul al-Thalatha, Ma dinuk, quelle est ta religion. Et le Cheikh il explique maintenant la signification du témoignage de Muhammadun Rasulullah. Après avoir expliqué le témoignage de la ilaha illallah, il explique maintenant la deuxième partie du témoignage, c'est le témoignage de Muhammadun Rasulullah, c'est-à-dire que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et il cite le verset 128 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: certes un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Naam. Et donc il explique ensuite que la signification de Muhammadun Rasulullah, ça signifie quatre choses, quatre phrases. Et ces quatre phrases résument la signification du témoignage de la ilaha illallah. La première de ces quatre phrases, c'est ta'atuhu fima amar. Ça signifie, premièrement, donc, de lui obéir dans ce qu'il ordonne. D'obéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il ordonne. La deuxième phrase, tasdiquhu fima akhbar. C'est-à-dire de croire en la véracité de ce qu'il a donné comme information au sujet de la religion. La troisième phrase, وَاجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرُ, de s'écarter de ce qu'il a interdit et de ce qu'il a réprimandé. وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَى, et que nous n'adorions Allah que par ce qu'il a légiféré. Que nous n'adorions Allah que par ce qu'il a légiférer, c'est-à-dire de s'écarter des innovations. Donc d'obéir à ses ordres, de croire en ce qu'il a mentionné comme information sur la religion, de s'écarter de ce qu'il a interdit et de s'écarter des innovations et de ne pas faire d'innovation. Bon, le Cheikh Ubayd hafizahullah, maintenant il va expliquer cette parole et ce passage du livre. Il dit: شهادة أن محمدا رسول الله ما معناها المختصر اعتراف المكلف لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة الخاتمة ومعناها الواسع كما ذكره الشيخ يتضمن أربع خصال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر به, لأنه قد يطيع المكلف قد يطيع المكلف ولكن لا يصدق لا بد من تصديقه فيما أخبر حاضرا وماضيا ومستقبلا عبادة ومعاملة. الثالثة اجتناب ما نهى عنه وزجر, يعني اجتناب منهياته, إذن مع الأوامر والتصديق لابد من اجتناب المنهيات. والرابعة أن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، فهذه المعاني الأربعة تتحقق الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذه المعاني الأربعة تتحقق الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتجرد له المتابعة. ويناسب هاهنا ذكر ست صور تجب موافقة العمل فيها للسنة، وإلا كان مردودا على صاحبه. ونوضح ذلك بالأمثلة وهي donc le cheikh il dit que tu dois témoigner donc que Mohammed est le messager d'Allah. Et c'est quoi? Il donne deux définitions, une définition résumée et une définition qui est large. La première définition qui est résumée, c'est de reconnaître que la personne qui est responsable, c'est-à-dire qui a atteint l'âge de puberté, qui est musulmane et qui a toute sa raison, elle doit reconnaître que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager d'Allah et qu'il est le dernier d'entre les messagers. Donc ça c'est la définition résumée. La définition large, c'est les quatre phrases que nous avons mentionnées dans la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc la première phrase, on a dit, c'est de lui obéir dans ce qu'il a ordonné. La deuxième phrase, de croire en ce qu'il a mentionné comme information au sujet de la religion. Le cheikh il explique parce que quelqu'un pourrait obéir au messager, toutefois s'il ne croit pas en ce qu'il a rapporté comme information au sujet de la religion, eh bien ça ne serait pas un croyant. Donc c'est pas suffisant juste de lui obéir, il faut également croire en ce qu'il a amené comme information et comme renseignement au sujet de la foi et au sujet de la religion en général. Et donc il faut croire en tout ce qu'il a donné comme information au sujet du présent, au sujet du passé et au sujet du futur, et l'accepter et y croire par adoration, dans notre adoration et dans nos interactions avec les gens aussi, comment on agit avec les gens. Donc dans tous les aspects de la religion, il faut prendre et croire en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. La troisième chose, la troisième phrase, c'est de s'écarter de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et ce qu'il a réprimandé aussi. C'est-à-dire de s'écarter de ce qui est haram et de s'écarter aussi de ce qui est makruh, de ce qui est détestable. Tout ce qu'il a blâmé, tout ce qu'il a critiqué, donc il faut s'en écarter. Et ce qu'il a interdit, il faut s'en écarter aussi, même si ce qu'il a interdit n'est pas interdit dans le Coran. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si c'est dans la sunna que c'est interdit, alors dans ce cas-là c'est pas interdit, c'est comme si pour dire c'est déconseillé ou bien c'est pas recommandé, c'est détestable, mais c'est pas haram. Mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit est comparable à ce que Allah a interdit dans le Coran. Donc même si c'est uniquement interdit dans la sunna, c'est autant haram que si c'était dans le Coran. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'ordonne pas et n'interdit pas de lui-même, mais c'est selon qu'est-ce que Allah lui a révélé, et on est ordonné par Allah de lui obéir. Le point numéro 4, c'est le dernier point. Après avoir mentionné qu'on doit lui obéir et s'abstenir et s'écarter de ce qu'il a interdit, eh bien il mentionne aussi qu'on ne doit l'adorer que par ce qu'il a légiféré dans la religion. Donc ça c'est-à-dire de ne pas faire d'innovation, et il dit que ces quatre significations-là viennent concrétiser la signification du témoignage que le messager d'Allah, que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que tu as cru en sa mission et qu'il est un messager d'Allah. et en même temps tu déclares que c'est lui uniquement que tu vas suivre, hein, pour faire tes adorations. Tu vas uniquement adorer Allah de la manière que lui t'a enseigné. Donc ça veut dire que tu vas pas suivre l'exemple ou les enseignements des autres prophètes ou des autres livres précédents, mais tu vas particulièrement suivre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui le dernier des prophètes et le dernier des messagers. Donc sa parole et sa révélation vient abroger celle des prophètes précédents. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il l'a vu avec des pages de la Torah dans sa main, il lui a dit: oh Ibn al-Khattab, même si Moussa était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Donc ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui peut pas prétendre, hein, qu'il veut suivre un prophète autre. Ni Isa alayhi salam, ni Moussa, ni n'importe quel autre parmi les prophètes, hein, il peut uniquement suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai rencontré un jour, ça fait pas longtemps, justement un jeune qui s'était converti soi-disant à l'islam. Puis il venait prier des fois à la mosquée, mais lui c'est quelqu'un qui malheureusement il n'assistait pas au cours et faisait pas vraiment beaucoup d'efforts pour apprendre. Puis des frères m'ont dit qu'ils l'ont vu avec une croix, hein. Donc il venait à la mosquée, il portait la croix dans son cou, yani Allah al-musta'an. Alors on lui a parlé, on lui a expliqué, tu peux pas, hein, porter une croix, ça c'est la pratique des kuffars, yani, et c'est une croyance de kuffr. Hein. Il m'a dit non, moi je porte pas la croix pour dire que par exemple je crois au christianisme ou des choses comme ça. C'est juste par respect pour Isa alayhi salam, parce que je veux suivre son exemple. Hein, je veux suivre son bon comportement, des choses comme ça. Je lui ai dit, ça c'est pas une excuse. Ça justifie pas de porter la croix. Déjà, de un, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran que les chrétiens n'ont pas que les, yani, Jésus, Isa alayhi salam, il n'a pas été crucifié réellement. Ils ont essayé ou ils ont voulu le tuer et le crucifier. Mais ça ne s'est pas produit puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais cela leur est semblé, hein, c'est ce qui leur a paru, c'est ce qui leur a été apparent. C'est-à-dire, ils ont cru ça, ils ont cru, hein, voir ça. Mais la réalité, c'est que ils ne l'ont pas ni tué ni crucifié. Donc toi, tu mets la croix, c'est comme si tu es en train de dire indirectement que oui, il a été crucifié. Hein? Et en même temps aussi, c'est parmi les principes et les éléments fondamentaux de la croyance des chrétiens, de croire en la mort de Jésus, puis en sa résurrection. Hein? Et nous, les musulmans, on ne croit pas en ça. On ne croit pas en ça. Et les chrétiens aussi, ils adorent. Hein? Ils adorent Isa alayhi salam. Ils le prennent comme une divinité. Et le fait de porter cette croix pour eux, c'est comme un genre de porte-bonheur ou un genre de protection, hein, contre le mal ou contre des choses comme ça. Donc il y a du shirk associé même au fait de porter cet objet-là. Et toi, en le portant, donc tu les imites dans cette pratique-là. Donc ça, c'est complètement inacceptable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussitôt qu'il voyait une croix quelque part, il la détruisait à chaque fois. Donc comment toi tu peux dire que tu es musulman puis tu acceptes de porter ça et tu insistes à vouloir la porter? Donc ça, c'est inacceptable. D'accord? Donc tu peux pas dire je suis musulman et puis je vais suivre un prophète parmi les prophètes précédents. Oui, on croit en Isa alayhi salam. On est obligé de croire en Isa alayhi salam, que c'est un messager d'Allah, que c'est un prophète. On est obligé de croire en sa naissance miraculeuse. On est obligé de croire en tout ça. Celui qui ne croit pas en ça, il est kafir, il est pas musulman. Celui qui ne croit pas que Isa alayhi salam est un messager d'Allah, hein, eh bien il est kafir. Celui qui ne croit pas en Al-Injil, c'est un kafir, il n'est pas croyant. Mais ça ne veut pas dire que c'est yani, le prophète qu'on suit, puisque le dernier des prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et chaque prophète est venu auparavant pour un peuple en particulier. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, c'est le dernier des prophètes, et il est venu pour toute l'humanité, sans exception. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tu peux venir t'asseoir de l'autre côté, barakallahu fik. Donc ça c'est, il y en a une clarification à ce sujet-là, pour dire donc que si tu dis que tu crois en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que c'est lui seul que tu dois prendre comme modèle dans tes adorations et dans ta religion pour l'adorer, c'est-à-dire pour adorer Allah seul et non pas de prendre un autre prophète. Il dit également وَيُنَاسِبُهَا هُنَا ذِكْرُ سِتْ سُوَرْ تَجِبُ مُوَفَقَةَ الْعَمَلْ فِيهَا الْسُنَّةِ. Donc il y a six choses que tu dois respecter pour que tes œuvres soient en accord avec la sunna. Et que si tu ne respectes pas ces six choses, alors ton œuvre ne sera pas en accord avec la sunna, ce sera une innovation. Et le cheikh il résume ces six choses, et ça c'est très très bénéfique, et vous allez voir que c'est très intéressant et très bénéfique de les connaître. Et après ça va vous servir comme un genre de repère pour distinguer entre ce qui est une sunna et ce qui est une bid'a. Par la suite vous allez pouvoir vous baser là-dessus pour être capable de distinguer certaines innovations aussi. Donc la première chose que le cheikh il mentionne parmi les six points qui doivent être respectés, c'est la première, al-muwafaqatu fil jins. Yani shakhsan ahaduhuma dhaha bi ghazal wal akhar dhaha bi shat. Ayyuhuma al-maqbul? Ash-shat wal ghazal qad yakun aghla. Yani subhanallah. ألا يكون الغزال أغلى في بعض الأحيان؟ قد يكون أغلى لأن صاحب الشاة يعني وافق في الجنس وصاحب الغزال خالف الشرع في الجنس فردت عليه أضحيته. الشيخ il dit premièrement, pour que ton action soit en accord avec la sunna, elle doit être en accord dans yani la catégorie ou l'espèce, et il donne un exemple, yani dans le genre, tu dois respecter dans le genre ou dans l'espèce. Par exemple, deux personnes ont fait un sacrifice d'un animal, un a sacrifié une gazelle et l'autre a sacrifié un mouton, lequel des deux aura yani sera accepté dans son sacrifice? Celui qui a sacrifier le mouton ou celui qui a sacrifié la gazelle? Le cheikh il dit, malgré que la gazelle parfois peut coûter même plus cher que le mouton, mais celui dont le sacrifice sera accepté, ce n'est pas la gazelle mais le mouton, parce que celui qui a sacrifié le mouton, il a respecté l'espèce qui est demandée dans la législation et dans la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de sacrifier parmi les animaux des bétails, comme par exemple les moutons ou bien une vache ou un chameau, mais en dehors de ça tu ne peux pas amener d'autres sortes d'animaux et puis égorger à la place de ça. Si c'est un mouton ou un chameau, 7 personnes peuvent se réunir dans une vache ou bien un chameau, tandis qu'un mouton, c'est un mouton par personne. Donc celui qui a sacrifié une gazelle, sa gazelle, yani, ce ne sera pas accepté comme sacrifice. Ça, c'est le premier exemple de respecter dans l'espèce. La deuxième, ça c'est la première, la deuxième, c'est al-muwafaqatu fi sabab. Il dit ahadu al-muslimin asama yawm al-ithnayn li'annahu yani tu'radu fihi al-a'malu 'ala Allah fa ahabba an yu'rada 'amaluhu wa huwa sa'im wal-akhar samahu li'ann as-sabi' wal-'ishrin min Rajab li'annahu as-sabi' wal-'ishrin min Rajab ha kulluhum sama al-ithnayn ولعل الثاني تسحر قبل الأول بثلاث ساعات أيهما الذي صيامه مقبول الأول الأول لأنه وافق الشرع في السبب والثاني خالف الشرع في السبب في السبب الثاني يعتقد أن رحلة الإسراء والمعراج في 27 من رجب فصامه هل هذا مشروع؟ أليس كلاهما صام الاثنين؟ كلاهما صام الاثنين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن الأول قبل عمله والثاني رد عمله لأنه خالف الشرع في السبب. Donc le cheikh il dit, il faut également pour que ton action soit en accord avec la sunna qu'elle respecte la cause ou la raison hein, pour laquelle l'action est faite. Donc il donne l'exemple de deux musulmans qui jeûnent un lundi. Le premier, il jeûne un lundi, pourquoi? Parce que c'est le jour dans lequel nos œuvres sont présentées à Allah. Et il aime que ses œuvres soient présentées à Allah alors qu'il jeûne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Hein? Tandis que l'autre, il jeûne parce que c'est le 27 de Rajab, le 27e de Rajab. Les deux jeûnent un lundi. Et peut-être même que le deuxième, il s'est levé avant l'aube, hein, 3 heures avant l'aube, pour préparer hein, son jeûne et pour prier la nuit, des choses de ce genre. Donc lequel des deux, Allah acceptera son jeûne? Il dit le premier, celui qui a jeûné parce que il veut que ses œuvres soient présentées à Allah alors qu'il jeûne. Hein, parce que lui, il est en accord avec la charia. Tandis que le deuxième, hein, qui jeûne parce que c'est le 27 hein, de Rajab, lui, il contredit la charia dans, hein, il contredit la charia dans la raison pourquoi il jeûne. Le deuxième, pourquoi il contredit la charia? Parce que il croit que cette nuit-là, c'est la nuit de Al-Isra wa Al-Mi'raj. Et il pense que de jeûner cette nuit-là, il y a un mérite particulier. Alors il le jeûne. Hein? Même si c'est un lundi, ça ne justifie pas hein, de le faire puisque c'est une bid'a. Hein? Donc est-ce que ça c'est légiféré de jeûner le 27? Non, c'est pas légiféré. Et les deux, même si les deux jeûnent un lundi, hein, ça ne veut pas dire que la raison pour laquelle ils jeûnent est valable. D'accord? Donc ça c'est la deuxième, hein, la deuxième chose qui doit être respectée pour que ton action soit en accord avec la sunna, la cause, hein, la raison et la cause pour laquelle tu fais l'action. La troisième chose qui est mentionnée, al-muwafaqatu fi sifa. Al-muwafaqatu fi sifa, c'est-à-dire le fait de respecter dans la description, hein, dans la description, dans la façon qu'on fait une chose. Et là, il va expliquer. Il dit, ahadu an-nas yusalli adh-dhuhr arba'an, hein, arba'a rak'at, wa yaqra 100 aya ma al-fatiha. ويسبح مئة تسبيحة في كل من الركوع والسجود وسجد ثم قام من السجود ثم ركع ثم سجد وهكذا حتى انتهت الأربع الركعات فهذا صلاته غير مقبولة لأنه خالف الشرع في الصفة. Donc le cheikh il donne un exemple ici, il dit quelqu'un il veut faire la salat, il va faire la prière de il va faire une prière de zohor, la prière de zohor il fait 4 rak'at et il va réciter 100 versets après la fatiha, puis il va faire le tasbih de 100 tasbih, subhanallah, il mentionne ça 100 fois dans le recours, dans le sujoud, il va se prosterner, puis il va se relever du sujoud, puis il va faire le recours encore, puis il va faire le sujoud encore, jusqu'à ce qu'il termine 4 rak'at. Celui-là, est-ce que sa prière est acceptée? Le cheikh il dit non. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas la description de la salat. Dans la description de la salat, il ne la fait pas comme elle a été décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut respecter la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée pour que l'action soit valable. La quatrième chose qui doit être respectée pour que l'action soit en accord avec la sunna, c'est que elle doit être en accord avec la quantité et le nombre. Elle doit respecter dans la quantité et dans le nombre. Il donne des exemples de ça. Il dit قال إنه يصلي الظهر ست ركعات ليس أربعا فريضة وركعتان سنة وإنما يصلي الفرض ست ركعات ويقرأ سورة طويلة ويركع ركوعا طويلا ويقوم قياما طويلا أكثر من غيره الذي يصلي أربعة في ثمانية دقائق أو عشر ركعات إذا أطال. وأخونا صلى ست ركعات فيها زيادة فيها زيادة عمل أم لا؟ فيها زيادة عمل، فيها أولا أنه أطال في الركوع والسجود والقيام والتسبيح، وثانيا فيها ثلاث تشهدات، صلى ركعتين ثم قام ثم صلى ركعتين فجلس ثم قام فصلى وهكذا، يعني عمل زيادة، فما حكم صلاته ولماذا؟ يعني صلاته باطلة لأنه خالف الشرع في المقدار الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il donne l'exemple d'une personne qui respecte pas le nombre et la quantité ou la valeur, يعني la proportion, la quantité ou la proportion de la quantité ou la mesure ou le nombre qui doit être respecté dans la prière. Comme par exemple, yani, quelqu'un qui fait le zohor 6 rak'at. Quelqu'un qui fait le zohor 6 rak'at. Il fait donc on sait que le cheikh il dit, il fait pas 4 rak'at puis après 2 rak'at sunna après, non. Il fait le dhuhr 6 rak'at réunis. Et il prolonge sa prière, il fait une longue sourate, il récite une longue sourate, après il fait un long recours, après il fait un long qiyam, plus long que d'habitude. Ou bien il fait 10 rak'at et puis il les prolonge. Et l'autre, il fait 6 rak'at. Donc, il y a des ajouts dans sa prière ou non? Oui, il y a des ajouts. Il fait plus que qu'est-ce qui est légiféré. Et il prolonge également beaucoup. Et également, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il fait 3 tashahhud dans sa prière. Tashahhud après les deux premières rak'at, puis il se lève, puis il fait tashahhud après les deux autres, puis il se relève encore, et il fait un autre tashahhud après les deux dernières. En tout, il a fait 6. Ça, c'est un ajout. Et quel est donc le verdict de sa salat dans ce cas-là? Et pourquoi? Donc, le verdict de sa salat, c'est que sa salat, elle est batila. Elle est nulle. Hein? Elle n'est pas valide. Et pourquoi? Parce qu'il a contredit la durée et le nombre qui a été délimité par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la prière de Zohr. Il a adoré Allah d'une manière qui n'a pas été légiférée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La cinquième chose qui doit être respectée en ce qui concerne les actions qu'on fait pour qu'elles soient en accord avec la révélation, c'est pour qu'elles soient en accord avec la sunna, c'est de respecter le temps. Il faut respecter dans le temps. Donc ton action, il dit le cheikh, muwafaqatu ash-shar' fi zaman al-ibada. Mithaluhu يعني رجل أحرم بالحج في رمضان وبقي على إحرامه وغيره أحرم بالحج يوم ثمانية من ذي الحجة فالأول حجه باطل لمخالفته الشرع في الزمان والثاني حجه صحيح لموافقته الشرع في الزمان. Donc le cheikh, il dit, il faut, quand tu fais une adoration, que cette adoration soit en accord avec la révélation, la législation islamique, dans le temps de cette adoration-là. Il faut respecter le temps qui a été déterminé par la charia lorsque tu fais une adoration. Et il dit l'exemple de quelqu'un qui a fait l'ihram pour le hajj pendant le ramadan. Hein? Et il est resté dans son ihram, rester dans son ihram jusqu'au hajj, à partir du ramadan, c'est-à-dire 2 mois à l'avance. Tandis que l'autre, il a fait le hajj le 8e jour de Dhul-Hijjah. Hein? Donc le premier, son hajj, il est batil, parce qu'il a contredit le temps qui a été déterminé par la charia pour faire l'ihram. Et le deuxième, son hajj, il est valable parce qu'il a respecté le temps qui a été déterminé par la législation islamique pour rentrer dans l'état d'ihram. Donc ça, c'est un exemple. Et le dernier point, c'est le sixième, al-muwafaqatu fil makan. Hein, le fait de respecter le lieu, parce que certaines adorations sont reliées à des lieux spécifiques. Et il donne l'exemple. Aina yaqifu al-hajj yawm at-tasi' fi Arafah. Al-wuquf yabda'u min az-zawal hatta ghurub ash-shams. Hadha mujtahid yurid al-khayr wa qala hatta yatalazzaz bil-ibadah ويخلو ويتعبد عن الرياء أن يبتعد عن الرياء يترك الناس يذهبون لعرفة وهو يقف في مزدلفة الثامن والتاسع ويوم العاشر بعد العصر ينصرف إلى منى وغيره وهم الذين وقفوا بعرفة من بعد الزوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس. وهذا ثلاثة أيام وقف في مزدلفة ويذكر الله ويصلي ما تيسر له من التطوعات المطلقة وقيام الليل، ومع هذا فحجه باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فهو خالف الشرع في مكان العبادة. Donc le cheikh, il dit, Il faut donc, il faut comme sixième exemple, sixième condition, pour que nos œuvres soient en accord avec la sunna, il faut respecter le lieu dans certaines adorations qui nécessitent qu'elles soient accomplies dans un lieu spécifique. Et donc il dit, lorsque c'est le neuvième jour de Dhul-Hijjah, pendant le Hajj, où est-ce que la personne doit se trouver ce jour-là? Elle doit se trouver sur Arafah. Elle doit commencer, elle doit se tenir à partir de, c'est-à-dire le temps dans lequel il doit se tenir sur, le temps dans lequel il doit se tenir sur le, sur la plaine d'Arafah, c'est à partir de, du zénith, c'est-à-dire après le Zohr, à partir du Zohr, jusqu'à Al-Maghrib. D'accord? Il doit rester pendant ce temps-là sur Arafah. Donc si quelqu'un, il dit, « Ah, moi, je veux faire plus d'efforts dans l'adoration, je veux faire du bien, et donc je vais savourer l'adoration, puis je vais en profiter pour aller à un endroit calme. » Donc lui, il s'en va, au lieu de rester à Arafah, il s'en va à Muzdalifah. Hein? Puis il reste là-bas 3 jours. Le 8e et le 9e. Et le 10e, après l'Asr, il s'en va à Mina. Hein? Tandis que les autres, ils sont restés à Arafah. Hein? Et ils sont restés à Arafah le 9e jour, puis... Après le coucher de soleil, ils sont partis à Muzdalifah, comme c'est ordonné. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté à Muzdalifah. Il a fait du zikr, il a fait la salat, des actes surérogatoires, il a fait qiyam al-layl, mais son hajj est batil. Son hajj est invalide, il est nul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été sur Arafah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-hajj Arafah ». Donc c'est un des piliers du hajj. Donc s'il n'a pas fait ça, son hajj n'est pas valable. Alors il a contredit la charia dans le lieu. Donc ça c'est les 6 points qu'il faut respecter, hein, pour que nos adorations soient acceptées, pour qu'elles soient valables. Le cheikh dit ensuite, وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تضمنت الآية أوصافه من أعظم أوصافه فالوصف الأول أنه رسول وهذا أعظم أوصافه على الإطلاق مرسل من الله الثاني من أنفسكم تعرفونه وما كان معروفا فإنه أولى بالتصديق لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فالقوم يعرفون يعرفونه ويعرفون عنه الصدق والأمانة والحلم والشجاعة يعرفون عنه ما يعني يدعوهم إلى تصديقه ولكن تنكروا له حينما دعاهم لعبادة الله وحده وهكذا الهوى يفرق. Donc le cheikh il explique que ensuite, le cheikh il explique le verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité, le verset 128 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il fait la description où il mentionne certaines caractéristiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on va lire donc cette description, puis le cheikh il mentionne ces descriptions-là point par point. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset qui est le verset 128, Certes, un messager pris de parmi vous est venu pour vous, est venu à vous. Donc, la première description qui est mentionnée, c'est Rasoul. Qad ja'akum Rasoulun. Donc, le messager est un, c'est un messager. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager. Ça, c'est la première description. Et c'est la plus grande description qui est mentionnée. Que Allah l'a envoyé. C'est un messager. Allah l'a envoyé. L'autre description, min anfusikum. C'est-à-dire, il vient de vous-même. C'est un des vôtres. Vous le connaissez. Et celui dont on connaît la véracité et l'honnêteté, eh bien, c'est plus obligatoire dans ce cas-là pour nous de le croire quand il parle, puisqu'il est connu. On le connaît pour sa véracité, sa sincérité, que c'est quelqu'un de honnête. Donc, dans ce cas-là, on doit encore plus le croire que quelqu'un d'inconnu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que les âmes sont des armées enrégimentées. Les âmes sont comme des armées enrégimentées. C'est-à-dire avant la vie dans ce monde. Les âmes, avant de venir dans ce monde, elles sont comme des armées, des régiments. Les âmes sont comme dans des régiments. Ils sont enrégimentés, par section. Celle qui se connaissait se rattache, se rapproche, tandis que celle qui ne se connaissait pas, elle diverge. C'est pour ça que certaines âmes sont plus proches se sentent plus proches d'autres âmes que d'autres. Et donc, ces gens-là, ils se connaissent. Ils connaissent le messager d'Allah. Ils le connaissaient avant qu'il soit messager. Et ils savent de lui que c'est un homme véridique, que c'est un homme honnête, que c'est un homme responsable, que c'est un homme qui est patient et sage, et que c'est un homme courageux. Ils savent ça de lui. Donc ça devrait les appeler à être encore plus dans la foi et à reconnaître la véracité de ce messager-là. Mais il renie cela lorsque le messager les appelle à adorer Allah seul. Ils refusent de l'accepter parce qu'ils suivent leur passion. Et c'est clair que la passion, elle divise. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh, il dit ensuite, فَالْوَصْفُ الثَّالِثُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ أي يَشُقُّ عَلَيْهِ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْكُمْ وَهَذَا كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته فإنه صلى الله عليه وسلم ميسر لا معسر وكان صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأسهلهما ولم يكن إثما ما لم يكن إثما. Le cheikh, il dit, et la troisième caractéristique qui est mentionnée dans le verset, c'est que ce que vous avez comme difficulté, ça lui pèse lourd. C'est lourd pour lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui c'est-à-dire il est plein de sollicitude et il est compatissant pour vous. S'il arrive quelque chose de mal à un de ses compagnons, il est triste pour eux. Et il s'inquiète pour les croyants et pour qu'est-ce qui leur arrive. Il n'est pas indifférent au sort des gens. Et il n'est pas indifférent de leur situation. Donc il dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a de l'amour pour sa umma et de l'affection et de l'attention pour sa umma. Et il facilite les choses pour les gens, il ne les rend pas difficiles. c'est un facilitateur. Hein, c'est pas quelqu'un qui rend les choses compliquées. Et il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Hein, selon Aïcha radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne lui donnait pas le choix entre deux choses, excepté qu'il choisissait la plus facile et la plus simple des deux. Tant que cela n'implique pas de faire un péché. Donc ça vient clarifier la réponse pour ceux qui, parfois, veulent toujours faire qu'est-ce qui est le plus facile de façon absolue. Et ils vont dire, la religion c'est la facilité, mais ils ne vont pas tenir compte de qu'est-ce qui est halal ou de qu'est-ce qui est haram par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils prennent la parole du début du hadith, mais ils ne prennent pas la fin du hadith. Ils vont dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait toujours ce qui est le plus facile à faire. Et ils s'arrêtent là. Et donc, quand ils vont avoir le choix entre deux choses, une chose halal qui est difficile et une chose haram qui est facile, eh bien, ils vont prendre la chose haram qui est facile. Parce qu'ils disent, ça c'est le plus facile des deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de prendre la plus facile des deux. Et ils oublient que, à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma lam yakun ithma. C'est-à-dire, tant que cela n'implique pas un péché. Naam, ça. Donc ça c'est une clarification importante pour éviter de tomber dans le laxisme et dans le fait de rendre halal ce qui est haram et de se faciliter les choses d'une manière extrême et qui dépasse les limites de la religion. Et le dernier point, ou bien l'avant-dernier point, harisun alaykum, harisun ala hidayatikum hatta takunu mu'minina muslimin. Et il dit harisun alaykum, haris, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup d'attention, beaucoup de et la façon dont c'est traduit, c'est-à-dire qui est compatissant pour vous, compatissant pour vous. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Harisun ala hidayatikum hatta takunu mu'minina muslimin. Wal wasfu al khamis bil mu'minina ra'ufur rahim. Yani mafhumu hadha annahu shadidun sallallahu alayhi wa sallam ala ghayri ahli al-islam. Le cheikh il dit qu'il est doux. Il est compatissant, c'est-à-dire il veut le bien pour vous. Il veut le bien pour vous et il veut la guidance pour vous, pour que vous soyez croyants et pour que vous soyez musulmans. Harisun alaykum, il a un désir ardent de vous voir sur la guidance et de voir que vous êtes bien guidés et que vous êtes croyants et musulmans. Et la cinquième description, bil mu'minina raufur rahim. C'est-à-dire, il est miséricordieux le verset dit, il est miséricordieux envers les croyants, il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh dit ça veut dire que on peut comprendre de cette signification-là que envers les gens qui ne font pas partie des gens de l'islam, qui ne sont pas dans l'islam, il est dur avec eux. Il est dur avec eux, tandis qu'il est doux et miséricordieux et compatissant envers les croyants. Naam. Donc ça c'est la fin de l'explication de ce passage de Al-Usul al-Thalatha qu'on a lu aujourd'hui. Donc on va s'arrêter à ce point-là pour ce point aujourd'hui. Puis on continuera la suite de ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Maintenant, on va passer à l'autre cours qui est le cours de Al-Uboudiyya. Mais on va s'arrêter ici maintenant. On va prendre quelques minutes de pause, puis on va reprendre après dans quelques minutes, Inch'Allah. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.